Section 2. De la conspiration des milliardaires par Gustave Guitton et Gustave Lerouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Spirit et milliardaire. Le lendemain, un peu avant 6 heures, c'était devant l'hôtel de la 7e avenue un encombrement de véhicules de toutes sortes. Câbles électriques, tricycles à pétrole, cars à vapeur, drague pneumatique, et jusqu'à une voiture mue uniquement par son propre poids joint à celui du voyageur qu'elle transportait. Ce poids comprimait une masse d'eau qui, par des cylindres, transmettait cette pression à l'arrière de la voiture qu'elle poussait ainsi. Plus cette pression augmentait, plus la vitesse s'accroissait. Ce qui revient à dire que plus la voiture était chargée, plus elle allait vite. On eût dit une exposition des plus récentes créations de l'automobilisme. Seul, Harry Madge était venu dans une mauvaise voiture de louage à un cheval. Il s'excusa près des autres en se plaignant des lenteurs apportées à la construction d'un chariot de son invention qui devait être mu par la seule force psychique et dont il attendait la livraison incessamment. Tout en levant les épaules, on ne plaisanta pas trop l'homme à la voiture de louage, car on savait qu'Harry Madge, spirit convaincu, avait obtenu tout dernièrement des résultats de nature à bouleverser les données les plus élémentaires de la raison. Son chariot, avec un peu de bonne volonté, n'avait, après tout, rien d'invraisemblable. Quant à Tom Punch, qui était présent et recevait les invités de son maître à la porte du grand ascenseur, il ne put s'empêcher de penser, en se tapant sur le ventre, qu'il faudrait une force psychique diablement puissante pour le remorquer, lui et sa bedaine, à une simple vitesse de 20 000 à l'heure, surtout après son dîner. La chose paraissait plus aisée pour Harry Madge, qui était sec, maigre et jaune comme un os. Il disparaissait presque entièrement dans une ample redingote, et ses yeux, d'un jaune d'or, indice d'un tempérament bilieux, étincelaient comme des paillettes de mica sous la visière d'un casque de velours noir surmonté d'une boule de métal. Chaque fois qu'entre eux, ils parlaient d'Harry Madge, les milliardaires ne cachaient pas leur dédain à l'égard de cet original, de ce fou, disait-il, qui passait son temps à rechercher le pourquoi et le comment des phénomènes qui n'avaient aucun rapport avec le commerce et l'industrie. Sera-t-il plus riche d'un dollar lorsqu'il aura perdu des années à s'occuper de ses niaiseries, disait-il. Le spiritisme, mais cela n'existe pas. Est-ce que ces prétendus esprits travaillent, gagnent de l'argent, produisent quelque chose? Non, n'est-ce pas? Eh bien alors, qu'on nous laisse tranquille avec toutes ces sornettes. Harry Madge ferait bien mieux de gérer, avec plus de soin, ses plantations de coton. Il laisse sans cesse passer des occasions de doubler sa fortune. Il néglige maintenant les spéculations qui l'ont enrichi. Depuis quelques années, en effet, le spirit semblait s'être désintéressé des affaires. On l'avait vu confier la direction de ses plantations à une société et se faire bâtir un palais dans les environs de Chicago. Depuis ce temps, sa vie privée était un mystère pour tout le monde. On savait seulement qu'il s'occupait de spiritisme, mais pour la majorité des Yankees, cela ne disait pas grand-chose. Les milliardaires, entre autres, avaient bien lu, dans les journaux, des communications auxquelles, du reste, ils n'avaient rien compris. Ils avaient bien appris qu'il ne s'agissait rien moins que d'un bouleversement général des sciences, mais toutes ces questions étaient au-dessus de leur entendement. Avec la quiétude des gens dont la fortune est bien assise, il haussait les épaules avec un secret mépris. Cependant, il ne pouvait se défendre d'un certain respect lorsqu'il se trouvait en présence du vieux spirit, et il n'osait trop le railler. C'est qu'Harry Madge avait une façon de planter son regard perçant dans les yeux des sceptiques qui leur faisait passer un étrange frisson à fleur de peau. On racontait que dans son palais, que jamais personne n'avait visité, Harry Madge vivait au milieu d'un luxe extraordinaire, qu'il hébergeait chez lui des hommes bizarrement vêtus et qui avaient tous le même regard que lui, la même expression fantomatique. On racontait encore que depuis des années, il ne mangeait chaque jour qu'un œuf et qu'il avait en horreur le gin, le whisky et toutes les boissons alcooliques. Toutes ces légendes qui couraient sur son compte et qu'il ne démentait ni ne confirmait jamais, l'étrangeté de son costume et de sa coiffure, les phrases énigmatiques qui lui échappaient parfois, tout cela ne contribuait pas peu à faire d'Harry Madge un être presque surnaturel, ou tout au moins mystérieux. Aussi, les invités de William Bolton étaient-ils grandement surpris de se trouver en sa présence. Il a donc reçu, lui aussi, une lettre de convocation, dit à mi-voix Fred Wilkinson, le fondeur, à son ami Sips Rodson, le distillateur. J'avoue que je ne comprends pas bien ce que peut nous vouloir William Bolton. Moi non plus, répondit l'autre. La présence d'Harry Madge me déroute. Un homme qui parle d'un véhicule qui sera mu par la volonté et qui, en attendant, vient ici dans un mauvais cab. J'imagine que William Bolton n'a pas l'intention de nous faire assister à une séance de spiritisme. Il faudrait qu'il fût bien changé, dit Wood Waller, qui avait entendu les dernières paroles. Prenons toujours place dans l'ascenseur. Nous allons bientôt savoir à quoi nous en tenir. Aussitôt arrivés, les invités étaient hissés jusqu'à un vestibule de marbre rouge, décoré d'un fouillis de plantes vertes et éclairé par de grands lampadaires en acier nickelé. De là, ils étaient introduits par un lad qui les annonçait cérémonieusement dans la grande salle de l'hôtel, tout entière soutenue par des colonnes de métal que terminaient des têtes de taureaux et de béliers, entièrement dorées et quatre fois plus grandes que nature. William Bolton faisait prendre place à chacun d'eux autour d'une table massive que surchargeaient des plateaux de sandwichs roast beef au caviar, de théières de vermeil, des flacons de Porto et des boîtes de cigares de la Havane entourées de leurs chemises d'or. Vêtue d'une élégante robe de satin saumon, Miss Aurora faisait les honneurs. William Bolton, dès le commencement, avait expliqué à ses hôtes la présence de sa fille dans cette réunion d'affaires. « Miss Aurora, avait-il dit, est ma collaboratrice, mon associée morale et d'ailleurs ma seule héritière. » Personne n'y avait trouvé à redire. À 6 heures précises, la réunion était au complet, sauf le savant Attison, qui avait télégraphiquement annoncé son arrivée par le train éclair de 6h35. Chacun, tout en faisant honneur au lunch disposé sur la grande table, se demandait avec un intérêt mal dissimulé quelle pouvait bien être la grave raison qui avait poussé le richissime Bolton à réunir chez lui, à la même heure, les détenteurs des plus grosses fortunes de l'Union. Ces milliardaires, d'ailleurs, avaient tous, avec leur hôte, comme un vague air de famille. Même très anguleux, même menton carré, même sourcils accentués, même regard calculateur. Leurs yeux vifs, tournés vers le maître de la maison, exprimaient un intérêt intense. Enfin, William Bolton, après un coup d'œil circulaire pour s'assurer de l'attention de ses auditeurs, prit la parole en ces termes. « Gentlemen, nul de vous n'ignore sans doute qu'hier soir, un vote du Congrès a rejeté définitivement le projet d'impôt que je sollicitais. Quelque humiliante que soit cette constatation, on ne peut se dissimuler que le peuple américain, quoique le plus riche et le plus industrieux du monde, n'a pas encore assez de puissance pour imposer aux États décrépits de la vieille Europe les tarifs que nous réclamons. » L'Assemblée, de plus en plus intéressée, eut un murmure approbateur. Le peuple américain n'a pas assez de puissance, c'est-à-dire que ses représentants hésitent devant les crédits à voter. Ils reculent devant les grands armements qui imposeraient notre volonté aux autres peuples. Et pourtant, il n'y a là qu'une question d'argent, et nous en avons plus que personne. Mais alors, le remède ? S'écria Fred Wilkinson, se faisant l'organe de tous les autres. Eh bien, le remède, je crois l'avoir trouvé. Voici ce que je vous propose. Nous sommes ici 10. Que chacun de nous mette en commun une somme à déterminer pour l'établissement de vastes ateliers et de laboratoires d'expérience. Que l'on rétribue largement les ingénieurs et les chimistes les plus remarquables de l'Union. Que l'on construise, à notre compte, des navires sous-marins, des torpilles perfectionnées, des explosifs nouveaux, enfin des engins d'une puissance telle qu'aucun État n'ose engager une guerre avec ceux qui en seront les détenteurs. Le peuple des États-Unis recevra en temps et lieu ce cadeau de nos mains. Et peut-être alors le Congrès de Washington mettra-t-il moins d'hésitation à voter des tarifs qui imposent nos produits à tout l'univers. L'Américain, bien intentionné pour son temps, qui a posé ce principe « l'Amérique aux Américains », n'avait que des vues étroites et mesquines. Moi, je dis « l'univers aux Américains ». Il dépend de vous, messieurs, que nous soyons les réalisateurs de ce glorieux projet. La fin de ce discours fut accueillie par une triple salve de hurrah. Chacun s'étonnait de n'avoir pas eu plus tôt la même idée. L'enthousiasme était général. Fred Wilkinson, qui avait autrefois étudié pour être clergyman et qui était long, maigre et cérémonieux comme un ministre presbytérien, se leva à son tour et, dans un petit speech rempli d'images bibliques, montra, dans un avenir radieux, tous les peuples réduits à la condition d'ouvriers dans des usines qui couvriraient toute la surface du monde et où les citoyens américains seraient tous directeurs, ingénieurs, inspecteurs. Ou tout au moins contremaître, dit Stapps Barker avec élan. Sans rien laisser voir de sa satisfaction, William Bolton, tout en buvant à petits coups un verre de Porto, réfléchissait profondément. Maintenant, il était à peu près sûr du résultat. Il avait autour de sa table les 10 commanditaires qui allaient fournir, sans compter, les millions de dollars indispensables à sa gigantesque entreprise. Il s'agissait dès lors d'arrêter les détails pratiques de sa réalisation. Par où commencerait-on? Vers le perfectionnement de quel engin spécial, militaire ou maritime, se porterait d'abord l'effort des capitalistes? À combien se monteraient les sommes à engager immédiatement? Quel serait l'ingénieur ou le savant mis à la tête de l'entreprise? Autant de questions qui se posaient tumultueusement. Les uns, pour que le secret fût gardé avec plus de soin, voulaient installer les ateliers dans quelque île perdue de l'océan Pacifique. Les autres proposaient d'acquérir une de ces cavernes antédiluviennes, longues de plusieurs dizaines de miles, que l'on rencontre dans le Kentucky. Quelques-uns, enfin, étaient d'avis tout simplement d'installer la fameuse usine dans un faubourg de Boston ou de Chicago. Tous ces projets furent reconnus impraticables. Installer les ateliers dans une île, c'était les mettre à la merci d'un coup de main en cas de guerre et augmenter les frais par la difficulté du ravitaillement. Quant à choisir les faubourgs d'une grande ville, il n'y fallait pas songer. Les espions des puissances, à l'affût de tout ce qui se fait de nouveau, n'auraient pas tardé à éventer l'entreprise dès ses débuts. Restaient les cavernes antédiluviennes. Mais leurs propriétaires, qui les exhibent aux touristes et en tirent de gros revenus, en auraient demandé trop cher. De plus, l'aménagement intérieur en était dispendieux et principalement mal commode pour le montage et la fonte des grosses pièces d'acier. Personne ne pouvait arriver à une bonne idée. On résolut donc de remettre à plus tard le choix d'un emplacement. La même difficulté se représenta lorsqu'il s'agit de se décider sur les autres points de l'entreprise. Personne n'était d'accord. Un tumulte indescriptible se produisit. William Bolton, nerveux et agacé, regardait fréquemment l'horloge électrique située au fond du hall lorsque Harry Madge, le petit vieillard spirit, demanda le silence. Et, d'une voix ténue et cassée, fit évoluer la discussion vers une direction inattendue. Les entretiens s'étaient arrêtés comme par enchantement. « Gentlemen, dit le petit vieillard après une profonde révérence, je suis tout à fait de votre avis quant au but à atteindre. Tout à fait de votre avis, ajouta-t-il en scandant les mots, mais vous me permettrez de différer d'opinion quant aux moyens à employer. Je vous prie surtout, quelque singulière que vous paraissent d'abord mes idées, de m'écouter avec recueillement jusqu'au bout. » Tout le monde promit d'un signe de tête et, les yeux au ciel, la main levée dans une attitude prophétique, Harry Madge continua. Le perfectionnement matériel est arrivé à son comble dans l'art de la guerre. Un seul obus de certains canons renverse jusqu'à 200 ou 300 soldats, coule ou met hors de combat un cuirassé de 20 millions. Nous avons des projectiles qui couvrent de débris de mitraille un espace de 100 ou 150 yards. Des fusils à tir rapide dans une seule balle transpercent 7 ou 8 soldats à la file. Mais ces inventions, arrivées chez nous à un très grand degré de perfection, ont été poussées aussi loin, sinon plus loin, par les ingénieurs et les officiers qui composent les commissions d'armement de la France, de la Russie, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Dans tous ces pays, une armée de spécialistes s'occupe nuit et jour de trouver de nouveaux explosifs, de nouvelles poudres sans fumée. Encore tout récemment, l'Angleterre vient de mettre en usage dans ses colonies de nouvelles balles dites « Doom-Doom », destinées à rendre plus redoutable l'effet déjà si meurtrier des fusils à tir rapide. La chemise en nickel de la balle est usée en plusieurs endroits par des traits de lime et ne tient plus que par son centre. De cette façon, lorsque le projectile atteint son but, il s'aplatit comme une fleur de métal en causant des blessures inguérissables. D'ailleurs, l'exagération de la puissance dans les armements offre de graves inconvénients. Un monitor à cuirasse d'acier de plusieurs pouces d'épaisseur, que l'on a mis des années à construire, qui est armé de tourelles à canon capables de produire les plus grands ravages, à plusieurs milles de distance, peut être détruit en quelques instants par une seule torpille, engin dont le prix est relativement minime. Je ne multiplierai pas les exemples de ce que j'avance. Vous avez tous présents à la mémoire des exemples concluants fournis par les dernières guerres. Donc, deux choses résultent de ce que je viens de dire. Premièrement, il faudrait, pour devancer les autres États dans leur armement, des capitaux considérables. Deuxièmement, étant donné l'éventualité d'une guerre, l'ennemi aurait encore beaucoup trop de chances et les hasards de la guerre pourraient trop facilement se tourner contre nous. Or, il est de toute nécessité, pour la réussite de nos projets, non seulement que nous soyons les plus forts, mais encore que notre supériorité soit absolument incontestable et notre puissance tellement formidable que personne n'ose même concevoir la pensée d'engager la lutte avec nous. L'assemblée des capitalistes, que le discours de Harry Madge avait plongé dans un certain étonnement, applaudit à cette conclusion sans trop savoir où l'orateur Spirit voulait en venir. La curiosité et l'intérêt étaient surexcités au plus haut degré. L'expression que les artistes ont accoutumé d'employer pour marquer l'attention, sourcils plissés, bouche pincée, regard fixe, se voyait sur tous les visages. En ce pays d'Amérique, où tout se fait vite, où des affaires considérables se débattent et se concluent en quelques quarts d'heure, l'attention est une faculté portée au plus haut degré. Tout le monde est spécialiste et ne s'occupe que d'une seule chose à la fois. Les cerveaux, moins surchargés d'idées, de faits et de sensations, sont tout à ce qu'ils font, et l'on n'y rencontre guère de gens distraits. Un flâneur est, là-bas, une monstruosité inconnue. En Amérique d'ailleurs, les jeunes filles éduquées selon ce point de vue spécial de la vie pratique sont généralement aussi graves que leurs frères ou leurs pères. Aurora, ses beaux sourcils froncés, ses grands yeux d'un bleu métallique dirigés vers l'orateur, ne faisaient nullement tache dans cette assemblée de spéculateurs. Cependant, Harry Madge, après avoir trempé ses lèvres dans une tasse de thé, continuait victorieusement. Eh bien, ce moyen de triompher sans coup férir de toutes les armées et de toutes les flottes du monde, je viens vous l'apporter, si vous voulez. Et il ajouta, avec une véhémence croissante, « C'est par le spiritisme seul, par le fluide magnétique et psychique habilement dirigé, que nous terrasserons nos ennemis. Laissez de côté les canons, les mitrailleuses et les torpilles, tous les engins surannés de la destruction matérielle. Que peuvent les explosifs contre le vouloir tout-puissant du médium, avec qui combattent les âmes des plus illustres capitaines des temps passés? Qu'est-ce que la dynamite, à côté de ces prodigieux fluides, mille fois plus rapides et plus dociles que l'électricité, et qui nous sont projetés par les âmes habitant les plus lointaines planètes? Ce qu'il nous faut, je le répète, ce sont des bataillons de médiums, des régiments de magnétiseurs, un état-major de liseurs de pensée. Que pourront nos ennemis lorsque leurs armées, paralysées par le fluide, s'arrêteront net, sans pouvoir avancer, sans pouvoir même faire un mouvement. Pendant toute cette dernière partie du discours d'Arimage, de nombreux murmures s'étaient fait entendre. William Bolton ne cachait pas son mécontentement. Fred Wilkinson levait vers le plafond doré sa face glabre de clergyman, comme pour prendre le ciel à témoin. Miss Aurora elle-même montrait, par une moue significative, son peu de créance à l'endroit de la vaillance des esprits dans une guerre universelle. Quant au brave Tom Punch, qui arrivait en ce moment, chargé d'un plateau, il s'esclaffait intérieurement, se proposant de demander à Arimage si les esprits étaient capables de mettre en cave une tonne de pâle hâle d'une façon logique et raisonnable. Les autres assistants haussaient les épaules sans dissimuler leur dédain. Ce fut bien pis quand l'orateur réclama une contribution $500,000 par personne pour continuer ses expériences et entretenir, dans un établissement modèle dont il avait, disait-il, le plan, un millier de médiums choisis parmi les plus forts de l'État de l'Union. Il ne put même pas continuer, noyé sous le flot des dénégations violentes qui s'élevèrent de toutes parts simultanément. Les exclamations se croisaient d'un bout à l'autre de la salle. « Cela n'a pas de sens commun. Il est fou. A-t-on jamais eu une idée pareille ? Je ne mettrai pas un seul dollar dans une pareille entreprise. On devrait l'enfermer. » La voix forte de William Bolton parvint à peine à dominer le tumulte. « Messieurs, commença-t-il, et ses yeux ne quittaient pas le cadran de l'horloge électrique, notre ami M. Arimage est certainement un grand savant, mais nous ne sommes que de simples industriels, d'humbles milliardaires. Les capitaux que nous engageons avec plaisir dans une entreprise ayant un but réel et palpable, celui d'assurer aux États-Unis la suprématie et à nos produits le monopole du marché de l'univers, ne saurait le suivre dans les terrains brumeux de la science spirite. Nous sommes des propriétaires d'usines et non des prophètes. » Chacun applaudit. Arimage roulait des regards féroces et crispait ses poings. William Bolton continua. « Pour le moment donc, en attendant les progrès que peut faire la science des fluides, nous ne reconnaissons à l'âme d'autres pouvoirs merveilleux que celui de découvrir et d'utiliser les lois de la physique, de la chimie, de la mécanique, de la balistique ou de telle autre science pratique qu'il vous plaira. L'homme qui doit faire réussir notre gigantesque projet doit être et sera le plus grand ingénieur et le plus grand chimiste des États de l'Union, pour ne pas dire du monde entier. Je vais avoir l'honneur de vous le présenter. Nous avons déjà gagné la bataille, si celui-là s'intéresse à notre cause. » Il y eut un bref silence. Tout le monde attendait, sauf pourtant Arimage, qui sans plus tarder s'était précipité vers la porte sans saluer personne. Enfin, la voix caverneuse de Tom Punch annonça « Monsieur l'ingénieur Attison. » Un profond sentiment de respect se refléta sur le visage des milliardaires, pendant qu'un homme de petite taille, au front largement découvert, à l'attitude pleine de correction mais aux allures autoritaires, faisait son entrée dans le salon. Fin de la section 2. Lue par Isad, quelque part en France.